L'asile le plus sur son tête du 94 MHz pour le direct le lundi à partir de 21h30 des poussières ou en rediffusion le dimanche à partir de 23h. Émission également podcastée dans le monde entier à partir de son site asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Cette semaine, émission très exceptionnelle puisque j'ai le plaisir de recevoir deux musiciens. Il s'agit des Farouches Bretons, deux tiers du trio Les Farouches Bretons qui joueront demain soir à la MJC Brechini ce mardi 28 avril à Rennes. Il s'agit de Nuche Verkowska, pianiste improvisatrice bien connue par chez nous, ainsi que Nicolas Demarchelier, guitariste et aussi plasticien, et qui joue en compagnie de l'exceptionnel et légendaire Phil Minton pour cette jeune formation Les Farouches Bretons, dont nous allons parler une partie de cette émission en leur compagnie. Alors ils sont à la porte, je vais aller les chercher et on lance un premier titre avec un morceau de Harrington des Dioniso, qui est un musicien américain, chanteur, clarinettiste, notamment bien connu dans le groupe All Time Religion, avec qui Nuche Verkowska avait formé un duo il y a de ça quelques années, c'était au milieu des années 2000. Et là, il est en compagnie d'un batteur, Gal Lazer Chilouache, pour une musique rituelle et tribale, donc toujours à base de clarinette basse, de chant de gorge, et donc deux batterie un peu à l'image de son projet javanais de ces dernières années. C'est sorti initialement en cassette sur un label néo-zélandais et c'est disponible à partir du bandcamp de monsieur De Dioniso Harrington de son prénom. Et donc on écoute ce duo pour démarrer l'émission. Alors c'est assez brut de décoffrage, c'est enregistré sur un multipiste assez basique, je crois, en concert à l'été 2014 et c'est sorti au tout début de l'année 2015. On écoute Harrington des Dioniso. November night, with a drizzling rain that sweeps even the bravest of the streets. And my favorite bar lies, alas, that's for certain, too far headed west to battle with that cold, wet curtain. For the first time since many years, as the years flee by, I will return home. Home, where my untimely appearance will be considered as the first step on the road that leads toward penitence. All beginnings are hard, and better late than never, my wife will say. All beginnings are hard, and better late than never, my wife will say. All beginnings are hard, and better late than never, my wife will say. All beginnings are hard, and better late than never, my wife will say. But first, I must buy a newspaper for tonight near the fire. Because when I don't read, my silence is chilling. My silence is killing for my housemates. Ah, je vous avais prévenu que c'était cut. Ce titre extrait du petit 45 tours tout simplement de Cannibal Éveillé, le fameux trio toulousain rejoint par GW Soc. Ça vient tout juste de sortir il y a quelques jours à l'occasion du Record Store Day. Voilà donc deux titres. Là c'était la phase B qui est plutôt pas mal. C'est une chanson d'automne, voilà, de circonstance. Et juste avant, donc, il s'agissait de Harrington des Dioniso avec Gal Lazer Chilouache. Voilà, que tu connais bien, je pense, Nuche. Bonsoir. Harrington, bonsoir. Bonsoir les farouches. Bonsoir. Aïe. Donc, à ma gauche, monsieur Nicolas Desmarchelier, enchanté. Enchanté, salut Philippe. Faire connaissance tout au long de cette émission. Avec plaisir. Et à ma droite, madame Nuche Verkowska, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir. Bonsoir. Dans cette même émission. À l'occasion, on en reparlait du festival du MZIC, hein, c'était 2006 ou vers là. Ouais, vers 2006-2007, ouais. Quoi. Ok. Je vous reçois à l'occasion du concert que vous allez donner demain. Donc ce sera le mardi 28 à la MJC Breakini à partir de 20h30-21h en compagnie de votre ami Phil Minton. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc projet assez récent, hein. Oui, sur une proposition incongrue de Nouche l'année dernière au mois de mai. où elle m'appelle comme ça un soir. Il y a Phil Minton qui déboule sur Rennes. Grosso modo, pour le faire court, les Beaux-Arts, le conservatoire l'invitent pour un feral choir, son atelier de chorale sauvage. Ils vont donner un concert genre privé, c'est un peu dommage, qu'est-ce que t'en dis, on peut essayer de faire quelque chose. Moi j'arrive en Bretagne, hein, je suis assez nouveau ici, je connais pas grand monde, j'envoie 2-3 mails au lieu que je connais, et le premier qui me répond, c'est Brechini. D'accord. C'est Brechini qui, okay. Quasi direct, me dit... Bingo. Eh ben allez, il n'y a pas de moyens, mais on va voir avec le conservatoire, machin, les Beaux-Arts, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Il faut une com. Je leur dis, moi, je vous fais la com. Je dessine l'hermine, je lui mets une crête, les farouches bretons. Toi. D'accord. Ouais, c'est moi. Le visuel. Je suis bien pour, ouais, pour tout faire, oui, du oui. début à la fin. C'est, oui, tu es plasticien, dessinateur. C'est un truc qui me plaît bien, de gérer l'image, de gérer le. Également, ouais. Et donc, et puis voilà, quoi. Et donc puis, ça, c'était un concert, une soirée donc complète, Ferrachor, Farouche, Breton. Exactement. Qui avait eu lieu au mois de mai l'année dernière. Ouais, c'était ça, c'était le 24, quelque chose comme ça. 24 mai. Ouais, c'est ça. C'est totalement improvisé la rencontre. Et ce qui m'avait surpris et très, très intrigué et très excité, c'est que Phil donc, avait dit OK pour une rencontre tous les trois. Et il a lancé tout de suite une proposition, une chanson, et plus même en direction de nous, je crois, avec un « Tu m'accompagnes au piano ». Mais pas, il nous a pas envoyé la partition, rien du tout, un lien à Internet. Voilà, il y a cette proposition comme ça. Rien du tout, quoi. D'accord. Ok, super. Et donc, bon, voilà. Et il se trouve qu'elle a clôturé le concert. Ouais. Donc, comme on a joué quelques pièces improvisées, et puis en clôture, une grande introduction de Nouche et suivi la chanson The Cutie Ram. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'était l'amorce. Le tube qui a initié le. Ouais, c'est... l'esprit du groupe, on va dire. Oui, et puis ce désir de renouveler l'expérience, de la prolonger avec un petit travail un peu plus conséquent avant le concert improvisé. Donc là, vous avez fait une résidence de 2-3 jours. Voilà. Donc vous êtes en travail encore. Voilà, totalement vous avez... en travail. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand 3 musiciens improvisateurs décident finalement un an à l'avance de monter un projet très sérieux où on va se retrouver pour une semaine et travailler, bien sûr, avec des horaires de 10 heures du matin. Oui, il y a ta collègue en face qui est morte de rire. Non, mais un projet de musicien, quoi. Oui, oui, oui. Et... 8h, 18h. Et ce qui est très rigolo, c'est que même en étant le plus sérieux du monde, en faisant les choses, mais vraiment bien, bon, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu suivi. J'ai pu, avec ma compagnie, avoir quelques subsides pour suivre cette affaire. Il y a notamment la Drague Bretagne qui nous suit sur cette affaire. Mais même en voulant faire vraiment les choses à fond, il y a toujours des... Ça part toujours en couille à un endroit. Et là, bon, voilà, il se trouve que Phil a quelques petits soucis, il a la patte qui traîne, et si bien qu'on ne travaille pas autant qu'on veut. Mais en fait, c'est très, très bien, parce qu'on se retrouve à concentrer le travail dans des moments où on a... Ouais. Et finalement, c'est... J'avais lancé l'idée qu'on pouvait travailler autour d'un répertoire de chansons. Sans évidemment vouloir faire des covers ou je ne sais quoi, une reprise de... Mais, et puis avec cette idée de chanson de résistance. Nouche, on avait parlé de ça, on avait eu des idées, puis Phil disait pourquoi pas des textes en anglais. Ok, mais il ne voulait pas se lancer quand même dans des trucs en français, parce que Nouche avait des super idées de chansons en français. Il y en a une qui me plaisait bien, c'était Marions-nous. Écoute, en fait, je préfère garder ça secret pour l'instant, d'accord. Parce que je ne perds pas l'espoir qu'on travaille ça un jour. Donc j'attends la prime de la sortie. Oui, oui, tu as totalement raison. J'ai peur qu'on te vole la paternité. Non, j'en dis mais pas plus. J'aime bien garder des surprises pour le public. Non, elle a raison. Et okay. Aussi, par contre, je veux bien en profiter pour dévoiler quand même une des deuxièmes chansons. Déflorer le mystère. Demain, demain, parce qu'elle y sera. Et pour dire que, effectivement, accompagner Phil dans De Cutty Vren a été une expérience quand même très forte pour moi, parce que c'est des chansons qui étaient dans un album qu'on aimait beaucoup, Philippe, que tu connais aussi, dans l'album de Four Walls. Mm. Voilà, et donc on va aussi donc jouer Which Side Are You On, qui est un des titres quand même de Four Walls, qui m'avait moi beaucoup marqué dans les 10 dernières années, avec Verian Weston au piano, et oui. Je suis très contente de jouer ce morceau avec Phil et Nicolas. Nicolas à la guitare électrique, bien sûr. On va peut-être d'ailleurs peut-être passer ce fameux titre de l'an dernier, en fait, hein, pour commencer, bon, pour lancer un peu que les auditeurs se rendent compte. Donc c'est le titre, hein, qui avait été enregistré in situ à Breakini l'an dernier, totalement, le 24. Sans montage, sans mixage, à peine. Ouais. Juste aussi mixé, évidemment, pour que j'ai mixé pour qu'on puisse, ça soit audible. Mais la particularité quand même, c'est que c'est au bout d'une heure de musique improvisée, ce titre surgit. Donc c'est ni révélateur de la soirée, ni révélateur de ce qu'on jouera demain soir, puisque là c'est un duo de Nouche et de Phil, mais quelque part c'est un peu entre les deux. Ok, donc The Cutty Vren, qui est un vieux titre qui a été repris pas mal dans le répertoire folk, mais plutôt une chanson de paysan de révolte. Hein, c'est... Totalement. C'était autour du thème de la résistance. Ce Cutty Vren, il est excellent. C'est les paysans et c'est pas les petits bourgeois. C'est vraiment ceux qui n'ont rien, qui se révoltent et qui montent à Londres et qui prennent le Parlement d'assaut. Et pour râler, quoi, pour râler contre le roi. On connaît ça à Rennes. On écoute les Farouches Bretons. Where are you going? Said Balder to Balder. Oh, I will not tell you. Said Fassel to Foes. I'm off to the woods. Said John the Red. I'm off to the woods, said John the Red Nose. And what will you do then? Said Balder to Balder. Oh, we will not tell you. Said Fassel the Foes. We'll shoot the Cutty Vren, said John the Red Nose. We'll shoot the Cutty Vren, said John the Red Nose. And how will you shoot him? Said Balder to Balder. Oh, we will not tell you, said Fassel to Foes. With bows and with arrows, said John the Red Nose. With bows and with arrows, said John the Red Nose. Oh, that will not do, said Balder to Balder. Oh, what will you do then? Said, fasten the foes, big guns and big cannons. Said John Randalls, big guns and big cannons. Said John Randalls. And how will you cut her up? Said Milner to Mulder. Oh, I will not tell you. Said Fassel to foes, with knives and with forks. Said John the Red Nose, with knives and with forks. Said John the Red Nose. Oh, that will not do. Said Milner to Mulder. What will you do then? Said Fassel to foes. Swords and with hatchets, said John the Red Nose. Swords and with hatchets, said John the Red Nose. And you'll get those spare ribs, said Milner to Mulder. We may not tell you, said Fassel the foes. We'll feed them to the poor, said John the Red Nose. We'll feed them to the poor, said John the Red Nose. Where are you going, said Milner to Mulder? I will not tell you, said Fassel to foes. We're off to the woods, said John the Red Nose. We're off to the woods, said John the Red Nose. Monsieur Minton dans ses œuvres, dans l'asile le plus sûr, avec deux titres. Tout d'abord, le nouveau projet en votre compagnie, chers amis farouches bretons, avec ce titre donc enregistré live l'an dernier à Bricquigny. Vous rejouez demain soir donc ce mardi 28 avril, c'est bien ça. Yeah. Et c'était enchaîné avec Minton en compagnie de Roof, l'excellent projet qu'il avait monté après la disparition de Tom Cora, après la fin de Four Walls. Roof en compagnie notamment de Varian Weston au piano. Et comment dire, aidez-moi, les barrés, Lukex, bien sûr, au barré, donc voilà, avec sa basse électroacoustique. La basse électroacoustique, et Michael Vacher, excellent batteur, percussionniste, avec des ressorts, du métal, beaucoup de choses, voilà. Excellent disque qu'ils avaient sorti au début des années 2000, enfin il y en a eu deux à suivre, hein, voilà. Donc ça c'est le premier sorti sur Red Note. Donc vous allez jouer une pièce du répertoire Roof, si j'ai bien compris. Je le prends pas vraiment dans le sens où la façon dont on aborde même les textes est très très légère et mystérieuse, assez très improvisée. C'est-à-dire que Phil nous a dit par exemple cet après-midi, tiens, pourquoi pas cette chanson. Donc il dit cette chanson, il dit pas le titre. Il commence à chanter quelque chose, il dit à Anouche, tiens, alors voilà, ça va faire comme ça. Donc c'est même pas une harmonie, c'est plus un rythme. Je dirais même, c'est même plus une attitude physique. Et puis, donc Anouche, ça lui va très bien, ça, de passer par là. Et après, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est ce titre-là. Mais moi, personnellement, oui. Je ne suis pas du tout allé voir ce que faisait X. Précisément, enfin après, c'est pas très compliqué non plus en termes d'harmonie, hein, attention, évidemment. Oui. Après, le talent du musicien, c'est l'interprétation est là, évidemment. Mais en termes d'harmonie, c'est pas tellement mon affaire. Moi, mes guitares, comme un peu. J'ai deux guitares, une acoustique, une électrique, et au bout de quelques minutes de concert, les deux sont totalement désaccordées. Il m'est très très difficile de reprendre, de passer d'un travail de matière sonore à une musique organisée dans les fréquences, dans les hauteurs de son. Il faudrait que j'aie une troisième guitare auquel je m'interdis de toucher, et je la prends juste pour faire faire des notes tunées, quoi, des notes avec une hauteur définie, enfin en tout cas une échelle tempérée qui colle au piano. Bon, Voilà, c'est... donc c'est pas vraiment une reprise du répertoire. Il se trouve que oui, c'est plus des textes en fait que je pense que Phil porte facilement, qui sait qu'il va pouvoir les sortir et les cracher au milieu d'improvisation sans que ça soit pas une contrainte intellectuelle, une sorte de réflexion de trop élaboré. Il faut que ça reste très très simple, très intuitif. Et effectivement, donc il a choisi comme 3 ou 4 textes qu'il maîtrise très très bien et avec des harmonies très simples qui seront plus ou moins interprétées par nous. Mais nous, je le fais quand même très très bien. Donc on aura quand même des harmonies. Mais voilà, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse de reprises dans l'esprit de Rouf, pas du tout. Non, pour préciser, quand je disais tout à l'heure qu'il était content de reprendre ces morceaux-là, c'est que moi, effectivement, cet album dont tu parlais, Philippe, dans les années 2000, ça a été un album que j'ai quand même pas mal écouté et qui me faisait vibrer, quoi. Donc. Ouais. À cette époque-là, je n'avais pas rencontré Phil, je n'avais pas rencontré les musiciens. J'avais rencontré Varian Weston dans un festival en Belgique. On a eu l'occasion de boire des coups, de discuter de piano tous les deux. Donc je sais que c'est un pianiste que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup son jeu. Et c'est vrai que moi, quand j'ai réalisé en fait que c'était ce morceau-là, parce que c'est vrai que, comme dit Nicolas, on réalise après en fait ce qu'on est en train de faire. Enfin, par rapport au vécu du répertoire de Phil Minton. Et du coup, quand j'ai réalisé que c'était ce morceau-là précisément, j'avais quand même une sorte de jubilation de le jouer, quoi. Ouais. Oui, il y a du vécu derrière aussi. Enfin, il a 30 ans. Oui, peut-être porte ça depuis 30 ans, 40 ans, quelque chose comme ça. Enfin. C'est ça. J'ai pas un air tout de suite qui me revient si. Non, j'en ai pas. Non, mais depuis News from Babel, même des projets comme ça, l'équipe un peu Cutler ou même avec Mike Westbrook, quand il était. Oui. C'est pour ça que nous, on est plus jeunes non plus dans ce sens-là en tant que musicien, on est dans une maturité et en même temps, pour nous, Phil Minton, c'est quand même une autre génération aussi. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Donc, son fils est né à mon âge. C'est clair. Autant je rencontre pas mal de musiciens où on discute maintenant. Tu pourrais pas être mon père parce que tu m'aurais fait quand tu avais 9 ans. Quoi. C'est pas possible. Mais Phil Minton, oui. C'est... Il pourrait être notre père. Ah ouais, il est né le 2 novembre 1940. Ah pardon, excusez-moi. Ça se dit pas, Sonic. Bon, c'est pas son anniversaire demain en tout cas le 28 avril pour le concert à la MJC Bréquigny. Juste Carter. Ils sont pliés de rire. Ça tombe bien, Nicolas, parce que je voulais qu'on parle un petit peu de toi et un petit peu. Alors, tu me disais 2 guitares. Alors, tu fais ça souvent, guitare électrique et acoustique. C'est quelque chose que tu. Ou alors, tu as différentes manières de travailler. Oui, ça va être une discussion très, très sérieuse et très technique. Je pensais que tu étais acoustique plutôt, en fait. Il y a eu plusieurs époques. Il y a eu une époque où vraiment la guitare acoustique a été. Je l'ai mise de côté parce que pour moi, j'imaginais pas que c'était possible au sein d'orchestres. Il y a eu un moment où je jouais beaucoup dans différents orchestres de musique improvisée, mais où on était relativement nombreux, de 11 à 20, quoi, on va dire. Et voire plus, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Et guitare acoustique, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Et puis, étrangement, c'est au cours d'une expérience avec un musicien qui n'est pas forcément du tout pour moi un mentor, mais on s'est croisé, on a pu pendant plus d'une année travailler assez régulièrement. Il s'agit de Claude Chamichian, contrebassiste. Oui. Alors c'est étrange parce que ça fait pas. On est très différents. Oui, même dans nos parcours. Il y a plus du jazz contemporain, quoi. Totalement. Mais il se trouve comme ça qu'à travers un projet, on s'est beaucoup côtoyés. Et c'est lui qui m'a reparlé de la guitare classique. C'était à l'époque où tu faisais déjà partie du collectif Ishtar. Totalement. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Oui, c'était déjà dans les années plutôt 96, par là. 96-97. Ouais, d'accord. Et au sein du collectif Ishtar, c'était plutôt des objets, c'était plutôt de la performance. C'était beaucoup la guitare électrique. Ouais. Et à ce moment-là, donc en 93-94, moi je sortais à la fois des Beaux-Arts, et du conservatoire, dès l'école de jazz aussi. Donc c'était, on va dire, du jazz contemporain, quoi. Mmh. Donc ça, je jouais encore des accords. Mais il y avait vraiment, il se trouve que quelques 5-6 ans avant, j'avais rencontré Michel Doneda, Lee Kuan Yin. Mmh. Et donc, bien sûr. La Fribuste à l'époque, quoi. Exactement. Et donc, déjà, il y avait des guitares désaccordées, mais. Quelque part, je trouvais toujours des moyens pour la réaccorder à un moment. Enfin, c'était toujours un entre-deux, un petit peu. Je faisais mes gammes, quoi, quelque part. Et donc, cette rencontre avec Claude Chamichian, où il m'invite à reprendre la guitare classique, au sein d'un orchestre où on était assez nombreux et où ça envoyait gravement le grain. Loussadzak, hein. C'était une autre formation, mais où on jouait quelques pièces du Grand Loudet. Et puis ça fonctionnait en fait. Et depuis ce moment-là, j'ai repris beaucoup la guitare classique, en laissant la guitare électrique. Et puis quelques années après, j'ai repris l'électrique en mixant les deux, en ayant les deux, parce que les deux n'ont absolument rien à voir. La guitare classique me permet une amplitude de volume extraordinaire, c'est-à-dire entre la différence entre les sons minuscules et les sons forts, elle est énorme. À l'acoustique. La guitare électrique, même si j'ai des très bonnes pédales de volume, c'est pas la même amplitude. Et puis surtout, c'est un instrument que je peux me promener parmi le public avec. Il y a un côté plus d'action, d'engagement physique, et pour moi, c'est de plus en plus essentiel d'aller à la rencontre du public, mais pas à travers les mots, ni une idée, concrètement. D'accord. Descendre de scène, et d'aller dans les gens pour porter le son. Pour frotter la guitare avec des sons minuscules que seules les 2-3 personnes autour de moi peuvent entendre, de me promener, de balancer comme faisait Henri Salvador la guitare. Tu sais, il fait les cloches comme ça. Oui. Et avec une guitare désaccordée, c'est absolument génial. Enfin, à mon goût, il y a une diffusion du son comme ça, physique, naturelle. Et voilà, que je ne peux pas faire avec l'électrique. D'accord. Et tu continues de jouer avec Olivier Toutmonde, qui faisait partie aussi du collectif Ishtar. Totalement. Qui était basé à Bourg-en-Bresse, qui a existé jusqu'au début des années 2000. Il existe encore. Il est même encore très actif. Il est resté là-bas ou... Non, pas du tout. En fait, avec Olivier, autour de 2006-2007, on est partis quasiment ensemble. Pas parce qu'on en avait marre, mais parce qu'on faisait autre chose. Moi, je suis parti en Bretagne, et lui en Belgique, puis Berlin, puis il est de nouveau en France, du côté de Besançon. Okay. Et encore, l'année dernière, on a travaillé un an ensemble, et on présentait cette année au festival Longueur d'onde à Brest, au Quartz, en janvier, là. Dernier, on présentait une pièce issue d'une résidence en Alsace, une sorte de pièce radiophonique pour les yeux ou cinématographique pour les oreilles. Enfin, c'est ta pratique artistique du dessin. Exactement. Ouais. Où je dessine et je projette un film que j'ai réalisé. J'étais plutôt aux images dans ce projet. Et Olivier, lui, était plutôt à la prise de son. Okay. Et donc on s'est ménagé. Enfin voilà, on a monté une pièce mixte comme ça qui s'appelle Au Bure. Du nom du village. Donc oui, je travaille encore régulièrement avec Olivier. On va écouter une pièce d'ailleurs en sa compagnie, et celle de Michel Doneda, bien connu des auditeurs de l'Asile de Plus Sûr, donc en trio, un disque qui était sorti sur le label polonais Monotype, qui s'appelle Le Terrailler, très brillamment enregistré d'ailleurs par François Dietz, on en parlait en antenne, donc l'ingé son du CCAM Vendèvre-les-Nancy, qui met un peu en son tout le festival Musique Action et quantité de disques et d'enregistrements avec le studio du CCAM. Et ce sont des morceaux qui n'ont pas de titre, voilà, qui s'appellent Galerie, donc je pense que c'est dans une galerie. Non, c'est pas une galerie, c'est enregistré donc là-bas, mais pourquoi galerie du coup? Galerie, c'était un peu soit comme galerie de portrait, mais aussi une idée de la galerie d'exposition. c'est un petit peu comme chaque pièce pourrait être un peu comme une exposition de tableaux. Il y avait un côté assez cinétique, comme tu me disais, Nouche, tout à l'heure, ou un côté assez visuel pour nous à cette époque, quand on a enregistré ces affaires-là. C'était une tournée vraiment surprenante, où il nous arrivait des aventures, des pannes. Donc, et puis la galerie du Terrier, bien évidemment, du CCM, Vendeuvre, les Nancy, on écoute ta musique. Le Terrier, okay. C'est directement inspiré, par contre, du Revermont, là d'où on vient avec Olivier Tout-le-Monde. Puisqu'on se connaît depuis qu'on a 7 ans et demi avec Olivier Tout-le-Monde. Ah oui, oui. Qu'on vient du même village et qu'on enregistrait aussi, on a beaucoup invité Michel dans ces... Quand vous avez 7 ans et demi, non. Non, dans ces collines du Revermont, où travaille le collectif Ishtar également. On écoute la galerie numéro 5. Et directement inspiré également. Thank you. Ah, ils sont dissipés, les farouches bretons. Ils courent partout dans le studio. N'est-ce pas, Danush? Et Nicolas, donc, qui me font le plaisir de m'accompagner ce soir dans l'Asile le plus sûr à l'occasion du concert qu'ils donneront cette semaine à Rennes. Ce sera demain soir, très exactement, à la MJC Bréquigny, donc en compagnie de Phil Minton, leur trio qui existe depuis l'an dernier. Et vous allez récidiver d'ailleurs pour le Festival Sonore, donc à Brest. Ce sera aux alentours le week-end en 8, hein, le week-end du 8 mai. Ce sera le dimanche. Ouais, le dimanche 10 mai. Ouais. Et donc, vous allez jouer au Renard Punch. Donc, c'est même pas à Brest, c'est à Châteaulin. Exactement. C'est salle mythique du rock'n'roll breton. Comme je suis, comme je disais, un nouveau breton et je ne la connais pas encore. Donc, je suis bien content. Et puis, on partage la soirée avec un poète sonore que j'aime beaucoup, Anne James Shetton. Boreal Bee, c'est un nouveau projet en solo ou... Je ne suis pas sûr que ça soit si nouveau, mais... C'est pas en solo. Mais peu importe. Avec Christophe Rocher à la clarinette, d'accord. Ouais. Ok. Mmh. Ok. Donc, d'ailleurs, le programme est consultable à partir du site, par exemple, de Penard Jazz. Il y a aussi Le Singe Blanc, Ultra Zouk, Blurt, Acapulco, qui est le projet de Julien Després, le guitariste furieux du Quax, et No Pilot, le Brestois bien connu aussi, notamment aussi Térénais, voilà. Et donc les Farouches Bretons, le dimanche 10 mai, au Renard Punch, qu'on se le dise. Et donc plus près de chez nous, demain soir, à Bréquigny, c'est à 21h. 20h, c'est annoncé, 20h30. 20h30, d'accord. Vous ferez un set de 7, vous avez deux noms, vous avez déjà une... On est parti plutôt sur un. Un seul, d'accord. On a déjà une sorte de programme. Oui. On sait que ça va peut-être pas trop s'arrêter pendant tout le set. Mais oui, voilà, l'idée, après, il se passe ce qui se passe. Si à un moment, on change de... La vie. on change de vie, ma foi, on marque une pause, forcément. Okay. Donc, entrée 5 et 8, c'est ça, euros, je crois. Oui, ouais, d'accord, ça. Ok. Donc, on a démarré avec une de tes pièces, Nicolas, en compagnie de tes camarades Olivier Tout-le-Monde et Michel Deneda, donc on en parlait tout à l'heure. Donc, le disque Le Terrier, sorti chez Monotype, excellent label polonais, qui était enchaîné avec une de tes productions, Nuche, donc disque qui était sorti chez Creative Source, si je ne m'abuse. Mon premier solo. Ouais, ton premier solo sous le titre de Sorgo. Donc je l'avais appelé Sorgo, dans le sens de surgir. Et je l'ai enregistré à l'Institut franco-américain à Rennes. Donc l'ingénieur du son qui l'a enregistré, c'est mon frère Mathieu Verkowski. Mmh. Et qui a fait lui aussi le mastering du disque. Et ensuite, c'est effectivement Ernesto Rodriguez du label Creative Source qui me l'a piqué dans mon sac à Lisbonne un jour pour l'écouter. Et le lendemain, bon, il m'a dit qu'il allait le produire. Mmh. Voilà. Après, il y a eu une chose très étrange qui s'est passée aussi avec... ce disque, c'est que j'en avais 300 copies normalement et il y en a 200 qui se sont perdus dans la poste. Ah oui. Donc, ben j'en ai plus. Et si jamais vous en trouvez... C'est la mafia russe. C'est la mafia russe, à mon avis, ouais. N'hésitez pas à me les envoyer. Okay. Ça, c'est un coup de nouche pour faire monter de façon exponentielle le prix des disques. Non, je les ai trouvés, en fait, dans une manière plus ou moins frauduleuse sur Price Minister sur Internet. D'accord. Donc, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui les vend. À la mafia russe, comme je te disais, donc bien connue, qui sévit au Portugal. Voilà, donc, et donc, disque solo du piano dans tous les sens, hein, à l'intérieur. Vraiment, c'est une exploration totale, voilà, nos limites de tout un spectre, voilà, autant musique contemporaine qu'improvisée. Enfin, je sais pas. Oui, oui. Bon, tu sais bien, on aime les qualificatifs, hein, dans les. Non, mais c'est aussi une pratique de... On est quelques pianistes quand même dans le monde à faire ça, quelques milliers de pianistes à pratiquer de cette façon avec le piano, sans compter les gens qui... Tu penses à qui, Irene Schweizer, oui, il y a... Stipet. Dans les pionniers, oui, et puis maintenant il y en a quand même de plus en plus, et c'est quand même ce qu'on peut appeler le piano... alors, on va dire le piano étendu, le piano prolongé... le piano, effectivement, dans tous ses états, dans le fait que, comme on disait tout à l'heure, le piano, c'est aussi juste une table d'harmonie, une surface qui résonne, ça peut être une harpe allongée, donc c'est pas forcément l'instrument classique auquel on pense, avec lequel on fait tout un orchestre, et plein d'accords, on peut aussi faire des tas de sons, et voilà, quoi, c'est... Ok. Et bon, on va enchaîner peut-être avec un de tes autres solos, puisque tu m'as ramené des pièces diffusées à Radio France. C'est le dernier en date, donc à l'émission de Anne Montaron sur France Musique, qui s'appelle À l'improviste, et dans laquelle j'ai joué un solo le 14 février 2014. Ok, bon, on écoute ça, enfin en partie, parce que c'est une pièce de trois quarts d'heure. Oui, c'est une longue pièce, donc c'est juste un petit extrait, j'imagine. Thank you. Thank you. Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz à l'écoute de la musique de Keiji Eno à Vielle-la-Roue. Un choix de mes invités, les farouches bretons qui sont vraiment très très farouches. Ils font n'importe quoi derrière le micro. Donc c'est un choix que... de Nicolas d'ailleurs, des Marcheliers. Pourquoi m'avoir ramené... Keiji Eno, c'est la guitare électrique. Et puis j'ai découvert que c'était un fanatique de la période médiévale européenne. Ok. Et donc il adore notamment. C'est un samouraï de toute façon. Non aussi. Je dirais plus que justement, je pense que qu'il l'a plus fantasmé sur les croisés d'Europe que les samouraïs. En tout cas, c'est un sacré mix. Mais le côté médiéval et notamment gothique, le cuir noir, ça le branche beaucoup. Et également les instruments d'époque, comme la Vielle-la-Roue. Voilà. Et donc c'est un des musiciens qui a amplifié les Vielle-la-Roue. Et donc là, ce qu'on entend, ça reste... pour l'instant, on entend bien qu'elle est amplifiée, même si on n'avait pas forcément identifié une Vielle-la-Roue. Mais d'ici une demi-heure, le morceau dure assez longtemps, là, ça devient terriblement trash et c'est magnifique. Ouais. Il chante. Il ne chante pas forcément sur cette album. Voix blanche, non, pas sur celui-ci, d'accord. Ouais. Mais ouais, j'adore quand il chante. Oui, c'est fantastique aussi. Oh là là, mais toutes les différentes expériences, même les combos très, très punk du début, c'est vraiment excellent. Le son, comment ça tourne. Et. Fushi Susha, Fushi Susha, c'est toujours très dur à dire. Ouais, mais c'est ça. Ok. Et juste avant, donc, c'était la musique de ma camarade Nush Verkowska. Voilà. Avec un des pièces enregistrées donc dans les studios de Radio France avant la grève, c'est bien ça. Voilà donc entièrement solo avec pas mal de silence et puis une pièce qu'il faut écouter sur le long terme. Elle est peut-être toujours disponible à l'écoute sur le site. Oui, je crois encore pendant un an et demi. Ok. Juste pour présenter un peu ton parcours, donc tu n'es pas une bretonne non plus à part entière, hein, puisque. Sniff. non, tu as grandi, tu as été jeune adulte à Grenoble. Tout à fait. Je suis née à Lyon, d'ailleurs même. J'ai donc été enfant à Lyon, et puis jeune adulte, et adolescente avant, à Grenoble. Évidemment, c'est à Grenoble que j'ai fait mes études de piano au conservatoire de Grenoble. Petit détour par Bruxelles. Petit détour par Bruxelles quelques années pour peaufiner un peu tout ça. Et finalement, j'ai débarqué dans la région au début des années 2000. Ok. Donc avec pas mal de projets musicaux que tu as initiés, d'associations aussi. Hein, bon, on se rappelle de HAM, de Zero Stock, Festival du MZ, que ça continue toujours d'ailleurs. Alors Zero Stock continue. Ouais. Zero Stock continue son petit bout de chemin. On organise des concerts comme ça, des concerts un peu de bout de ficelle, mais quand même il y a des choses qui se passent. Et voilà, donc Zero Stock est, c'est plus finalement, si je devais en parler aujourd'hui, un collectif où passent pas mal d'artistes et où il y a des expériences artistiques collectives qui se font, des rencontres, des improvisateurs qui s'arrêtent un peu par là, qui viennent d'un peu partout, qui sont en tournée, toujours des croisements avec lesquels on fait des sessions. Des croisements avec de la danse toujours Toujours avec la danse, toujours avec les arts plastiques, avec des performances éventuellement, selon les affinités, selon les artistes qui sont de passage ou qui sont des gens avec qui on tisse des liens. Ok. Et juste concrètement, par exemple, c'était les derniers artistes là, que tu as pu inviter de passage, c'était qui par exemple? Tu veux dire dans les concerts de bout de ficelle ou bien les concerts plus officiels qu'on a pu faire avec... Tous types. Ah, d'accord. Donc... Le tout dernier artiste qui s'est arrêté par là s'appelle IDM Theft Abel. C'est un Américain qui venait tout droit du Festival Pieds Nus, qui était en tournée et qui nous a contacté pour une petite étape par là. Qu'on a rencontré, qui a joué avec moi et avec des membres du collectif. Puis avant ce concert là il y a effectivement eu un concert où Nicolas et moi d'ailleurs nous avons joué avec aussi un duo genevois qui s'appelle Diatribe, qui sont deux garçons qui organisent beaucoup de concerts à Genève, donc ils sont suisses de langue française et qui organisent beaucoup de concerts à Genève, des festivals qui sont très, oui, très activistes, qui ont un label sur le net, oui, qui s'appelle Insubordination. Ouais. Voilà, très actif. Insubordination Net Label, ils ont différentes orchestres. Ils ont un grand orchestre, donc j'ai amené un disque, mais je pense pas qu'on aura le temps de l'écouter, mais il y a un qui s'appelle le Meta Orchestra, avec plein de musiciens suisses, dont des musiciens que Nicolas et moi on connaît comme Jonas Kocher. Entre autres. Sbinden. Oui. Jonas Kocher, d'ailleurs, qui a joué avec Michel Doneda, qu'on va. Et qu'on a invité avec Zero Stock aussi, d'ailleurs, l'année dernière, entre autres. D'accord. Bah, on va enchaîner avec le dernier Michel Doneda en compagnie de l'Equanine pour rester un peu dans le ton de votre univers sonore. Il s'appelle Aplomb. C'est sorti chez Vendeuvre il y a de ça quelques mois. On écoute le bien nommé Pour la purée du dessous. À l'instant, Asie le plus sûr, une séquence d'improvisation avec deux duos. Merci Nuche. Tout d'abord, Michel Doneda et Les Quanlin, extrait de leur dernier qui s'appelle Aplon, sorti chez Vendeuvre. Et c'est enchaîné avec des musiciens que vous connaissez assez bien aussi, les trompettistes, mais sons des trompettistes, Birgitte Euler et Léonel Kaplan, que tu connais particulièrement, Nuche, pour avoir joué avec eux deux. Birgitte. J'ai croisé Léonel plusieurs fois sur des trucs, mais en fait, j'ai pas joué avec lui. D'accord, donc là, c'était un extrait de leur dernier Stéréo Trompette, sorti chez Relative Pitch Records, excellent label américain, qui a sorti un solo aussi récemment de Michel Doneda. Everybody digs Michel Doneda. Tout le monde kiffe Michel. Voilà. Waouh! Un album solo. Quel titre! Voilà, donc je vous remercie les Farouches Bretons pour cette agréable compagnie et de m'avoir présenté un peu votre univers. Donc, qu'on pourra retrouver demain soir en concert. On aurait bien aimé que Phil soit présent avec nous. Nous aussi, mais écoute, mais c'est mieux qu'il se repose et il sera en forme pour demain et pour le 10. Oui. Pour le 10 mai à Sonore. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour faire une toute petite correction, autant être précis dans les informations, puisque j'évoquais Anne James Chatton, mais qui ne sera pas absolument pas en solo, puisqu'il y a l'excellent clarinettiste Christophe Rocher qui sera avec lui. Et puis, un musicien que je ne connais pas encore, Sylvain Thévenard à l'électronique. Et en fait, c'est le deuxième volet de leur projet Boréal. C'est le gang no brestois, ça, futures. Je pense. C'est les tisefs. Ouais, mais voilà, moi, tu sais, les gangs bretons, je ne les connais pas encore. Mais... Non, mais comme vous êtes des farouches bretons, ouais, toi, tu es plutôt donc à Hennebon. Hennebon, c'est le siège de la compagnie que j'ai fondée avec la danseuse et chorégraphe japonaise Yukiko Nakamura. So, l'association So pour l'allitération. Et donc oui, c'est Hennebon, mais j'habite dans un bled vraiment très paumé à côté de Bubry, entre Lorient et Pontivy. D'accord, ok. Voilà. Donc demain soir, les Farouches Bretons, donc trio... Farouche, vociférant. Farouche, très très folklorique, même c'est traditionnel, c'est totalement archaïque. Et un peu protestataire aussi. Un peu breton quand même. donc je ne peux que vous inviter à aller les voir donc demain soir à l'MJC Bréquigny, ce mardi 28 avril, ou au Renner Puns à Châteaulin, donc le 10 mai. Je vous remercie. Et puis on se quitte avec un dernier titre, une curiosité que je vous ai ramené, en fait un plasticien sonore australien qu'on a pu entendre ces dernières années, notamment au sein du Splinter Orchestra, dans lequel il y avait Clayton Thomas, des gens comme Jim Denley ou encore Robbie Avenheim. Il fait partie du Sonic System Laboratory et surtout il fabrique ses instruments et il fait des choses vraiment très très chouettes. Je crois que c'est un enseignant aussi et c'est un disque qui vient tout juste de paraître également chez Splitrec, distribué par Metamkin, ça s'appelle Switches and Houses, et là c'est une pièce où il se balade apparemment dans un espace entraînant deux vibraphones, voilà, donc c'est plutôt assez magnifique. Un magnifique vinyle avec une pochette sérigraphiée, il semble. Tout à fait, je te remercie Nicolas, merci Nuche. Bonne soirée Philippe. À bientôt.